s'est juré quelques mots pour chaque soir, pour les premiers je ne suis pas prêt. Juste droit à un bonsoir. Je sais c'est nul, alors je jure que je serai prêt pour ce soir. Le dictionnaire qui me c'est un bisou, bonsoir. Complice des jours de travail, ce vieux dico, un vrai cauchemar. Ce soir j'invente et vaille que vaille. Dans l'entrée, grâce à mon petit canard, c'est le chien qui porte le journal. Elle m'a cuisiné du canard. Je rappelle que je suis mal avec mes faits pour rêve. Bonsoir, si je me creuse un peu la tête, je pourrais la revoir me sourire. Dans le noir, dans la nuit, je t'ai juré. Quelques mots pour chaque soir, pour les derniers, je viens de les jouer.